Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui sont offerts dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169, Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe félicitent Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On va parler de la Ligue nationale de hockey. C'était la date limite des échanges aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien a fait deux transactions aujourd'hui. Hier, Thomas Pekanec est parti à Toronto. On en parle avec notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, c'est toujours tu as été directeur général. C'est sûr que tu n'as pas le côté plafond salarial que tu as... Que tu as géré, que tu avais dans la Ligue nationale, que les DG de la Ligue nationale ont à gérer. Par contre, j'imagine que c'est toujours. Tu as vécu ce genre de moment-là à plus petite échelle. Là. C'est toujours intéressant quand même. Ben, c'est sûr et certain que c'est un moment excitant, la période des transactions. Hein? Et puis, habituellement, là, cette période des transactions-là est souvent la plus mouvementée parce que tu as des équipes qui sont désespérés soit à faire les séries, des équipes qui croient qu'ils ont l'équipe pour aller jusqu'au bout, qui leur manque peut-être un ou deux éléments. Alors, ce sont souvent ces équipes-là qui vont être prêtes à payer un prix au-delà du marché pour essayer d'acquérir des joueurs qui peuvent les aider à aller jusqu'au bout. Alors, c'est souvent une période excitante et souvent payante pour les équipes qui ont des joueurs à échanger. Surtout les Rangers. Pour Rick Nash, c'est beaucoup d'argent. Là. Pour un gars qui va être joueur autonome à la fin de l'année, qui a ralenti beaucoup. Là, on apprend qu'au moment où on enregistre le podcast, Ryan McDonough a été échangé également. On ne sait pas contre qui. Par contre, là, c'est sûr que ça a sorti à 3 heures. Donc, mais Rick, je reviens à l'échange de Rick Nash. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de joueurs également impliqués. Un choix de première ronde de troisième ronde également, d'autres choix. C'est beaucoup pour un joueur qui est sur la pente descendante. Oui, exactement. Mais il faut toujours regarder. Moi, je dis toujours, il faut regarder le compte en banque qu'on a aussi. Okay? Alors, je ne sais pas c'est quoi la situation des Bruins, mais si les Bruins, un exemple, ils ont deux choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, deux de troisième ronde. T'sais, s'ils ont beaucoup de choix en banque, des fois, c'est moins... tu sens que c'est moins cher payé de ta part. Mais c'est sûr et certain que Rick Nash, écoute, c'est un joueur qui va être sans compensation. J'imagine que les Bruins ont parlé à l'agent à Nash avant pour voir si Nash avait l'intérêt à demeurer à Boston pour plus longtemps qu'une demi-saison. Il y a sûrement des pourparlers qui sont déjà entamés là, dans ce dossier-là. Mais regarde, les Bruins ont chapeau parce qu'on ne s'attendait pas à voir les Bruins à cette position-là cette année. Il n'y a pas grand expert qui aurait prédit ça. Et puis, eux autres, ils se disent que, regarde, ils veulent se donner une chance de plus d'avancer. Et puis, c'est sûr que c'est cher à payer, mais Nash peut certainement leur donner un bon coup de main. Et là, Ryan McDonough, la grosse transaction de la journée, c'est McDonough qui s'en va. On savait que le Lightning voulait avoir un défenseur. On parlait de Carlson. Je ne serais pas surpris de voir ça. Les joueurs, on ne les a pas. Je ne serais pas surpris de voir Sergachev dans la transaction qui passerait à New York. C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines minutes qui sont les joueurs. Mais McDonough avec Victor Hedman, ça, ils sont à manger Vietor, là. Avec Veliski devant le filet aussi, là. Leur attaque également. Ah, c'est sûr et certain que c'est une très grosse transaction pour le Lightning de Tampa Bay. McDonough, c'est quand même un très bon joueur. On connaissait les intentions des Rangers qui veulent repartir leur cycle, comme on dit. Ils veulent vraiment là, refaire leur équipe. Et puis, ils étaient prêts à se départir de pratiquement tous les joueurs de leur équipe. Alors, c'est sûr et certain qu'en perdant Nash et McDonough, ça va sûrement être coûteux à court terme, mais c'est sûr qu'à long terme, ça va être sûrement avantageux pour l'organisation des Rangers. Le Canadien a bougé. Marc, es-tu d'accord avec moi que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les gens ont été très sévères envers Thomas Plekanec. Il a connu une très belle carrière. Quand un gars qui joue 1000 matchs dans les nationales, et 1000 matchs avec pratiquement avec la même équipe, là, il est à quoi, une vingtaine de matchs du 1000? Quelque part, là, le gars, il a connu une très très belle carrière. Puis le problème avec Plekanec, c'est que, comme Koivu, ça a longtemps, c'était le premier joueur de centre, puis il n'y avait pas nécessairement c'est pas un vrai joueur de centre. Dans son prime, Plekanec, c'était plus un deuxième joueur de centre. Ben, écoute, pour un gars qu'on a plus étiqueté un centre défensif qu'offensif, un gars qui a fait 600 quelques points en 900 ouais. quelques matchs, c'est quand même pas piqué des verres. C'est sûr et certain que dans les dernières années, il n'y avait peut-être pas la même production. Il avait sûrement pas le même rôle non plus. Mais tu sais, l'affaire qui vient mettre toujours une pression où on va venir mal évaluer un joueur, c'est quand on compare les stats avec son salaire. Tu sais, c'est un gars, je pense, de près de 6 millions. Ouais. C'est là que ça devient un problème. Si le gars faisait 4 millions par année, peut-être on aurait dit c'est bon. C'était la même affaire dans l'histoire de Scott Gomez. Le gars, c'est pas qu'il était méchant, là, il jouait vraiment pas à la hauteur des attentes, là. Mais c'est le problème, c'était son 7 millions par année. Alors c'est là qu'on vient, qu'on est plus exigeant et plus critique envers des joueurs qui font de gros salaires par rapport à la production. OK. Du côté maintenant des deux joueurs, moi je les connais pas beaucoup. Faut pas s'attendre à des miracles. Ce qu'on lit des rapports du dépisteur, c'est que le Russe, c'est un cinquième, maximum sixième défenseur. L'autre, c'est un. On dit que c'est Reichel, c'est un joueur de quatrième trio. Donc faut pas s'attendre à de grandes choses là, dans le fond. Là, parce qu'on les a regardés à Toronto pour Plekanec. Surtout qu'il y a un deuxième choix. Moi, j'ai toujours dit que Plekanec. C'était le Canadien était capable d'aller chercher un choix de deuxième ronde, puis c'est à peu près ça qu'ils ont eu. Oui, c'est sûr que Reichel, par exemple, je pense qu'il a été repêché assez tôt, lui. Je me demande si c'était pas premier choix, c'était son premier ronde. Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué avec son père C'était Warren Reichel, oui. Warren Reichel, exactement, qui était plus un joueur défensif et un joueur d'énergie. Écoute, c'est sûr et certain que le Canadien a fait leur évaluation là-dedans. Reichel. C'est sûr que là, il est peut-être un joueur de quatrième trio présentement, mais je crois qu'il y a un meilleur potentiel que ça, là, que d'être un joueur de quatrième trio. Mais c'est sûr qu'à Toronto, avec tous les bons jeunes qu'on a, ça aurait peut-être été plus long et plus difficile pour Reichel là, de se faire valoir puis de jouer à la hauteur de son potentiel. Alors, c'est sûr que ça pourrait être bénéfique pour lui de se retrouver à Montréal et espérons qu'il va bien se développer avec le Canadien. OK. Si on parlait maintenant des quatre choix de deuxième ronde, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, j'espère de tout cœur qu'on va les garder, ces quatre choix-là. Et tu sais, à Laval, il n'y a rien. Là. Et pourquoi? Parce que, bon, on a mal repêché, puis il faut dire aussi les vraies choses. Marc Bergevin, il a échangé beaucoup de choix de repêchage, là. Et on dit que c'est un excellent repêchage. Tu as 5 choix dans les 62 premiers. Tu sais, on dit qu'il n'y a pas de relève à Montréal. Ben, c'est peut-être le temps de la refaire, cette relève-là, là, puis de travailler sur ça. Oh. Ouais. Excuse-moi. Oui, donc c'est revenu. Oui, c'est ça que je disais, Marc. Ce serait peut-être le temps de travailler sur la relève, là. Ben, c'est sûr et certain, Danny, que quand tu as des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, idéalement, tu veux les garder. Écoute, quand tu penses qu'avec un choix de deuxième ronde, tu as pu aller chercher un piqué sous ban, ça veut dire que ce sont des joueurs qui peuvent être de bons joueurs d'impact dans une équipe, ouais. Là, quand on regarde ça. À moins qu'ils prennent deux choix de deuxième ronde pour aller chercher un choix de première ronde, ouais. Là, tu peux sacrifier ces choix de deuxième ronde-là. Sauf que si c'est pas le cas, surtout dans la nouvelle tangente que le Canadien a l'air de vouloir prendre, c'est-à-dire de peut-être, là, justement, il était prêt à échanger Plekanec, à échanger Pacioretty, des joueurs comme ça. Alors, S'il était prêt à faire ça, c'est parce qu'il voulait peut-être rebâtir leur équipe. Et si tu veux bien rebâtir des équipes, ben, tu vas avoir besoin de ces choix de deuxième ronde-là au repêchage. Et c'est le temps, là, je crois, à Montréal, qu'on arrête de patcher, là, qu'on arrête d'aller chercher des agents libres, qu'on arrête de faire des échanges, et que on repêche tout simplement et puis qu'on développe nos joueurs et qu'on obtienne une belle équipe. C'est pour ça que je suis un peu déçu, Marc, aujourd'hui. Je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais, tu vas me dire, ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas eu ça. Tu sais, Antti Niemi ne reviendra pas l'année prochaine, c'est clair. Jordy Benn, il y en a des Jordy Benn, il y en a pas jeté. Il va chercher des choix repêchage tant qu'à ça, puis rebâtit. Tu sais jamais comment ça peut virer un choix repêchage. Tandis que des joueurs de 23, comme on vient de faire avec Mike Riley encore, là, on appelle ça un remplisseur de chandail. Oui, mais là, Danny, on a juste un côté de la médaille. On a une version. La version qu'on a, c'est que Marc Bergevin n'a pas échangé ces joueurs-là. Mm. Sauf que je te pose la question. T'as Price qui est commotionné. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Puis tu vas échanger Niemi contre un choix de 5, admettons. Tu fais quoi là dans ce cas-là? Tu vas dire, tu veux dire un 5, le rendu là. Il faut savoir qu'est-ce que Marc a eu comme offre. Tu as eu un choix de 5 pour Niemi. Ouais, lui, il s'est peut-être dit, ben là, tant qu'à avoir un 5, crème, on va garder Niemi jusqu'à la fin de l'année. On a de besoin, là, Price, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Lindgren n'est pas prêt encore. Il n'était pas dans une situation où ce que il y avait un gros surplus de gardiens pour dire, hey, on laisse aller pour un 5, c'est pas grave, on s'en mange un 5. Il faut savoir qu'est-ce que Marc a eu pour, il paraît que les offres pour Pacioretty, c'était ridicule. Ça a l'air que c'était quasiment doré de lui. Alors, tu sais, à un moment donné, les meilleurs échanges que tu fais, c'est celles que tu fais pas. On sait pas si Pacioretty a une deuxième moitié de fin de saison, mettons de saison, qu'avec une bonne production, qu'il se remet à être le Pacioretty qu'on s'attendait, peut-être que ça va avoir été bénéfique de le garder. Là. Alors, il faut toujours, moi je dis tout le temps, excuse Danny, je dis tout le temps qu'il faut évaluer son équipe à la fin de la saison. Pas dire que là, présentement, il va pas bien, on l'échange, parce que une saison, c'est 82 matchs, puis un joueur a le temps de se reprendre dans une saison, puis il faut attendre l'ensemble de l'œuvre, si tu veux, avant de critiquer ou avant de faire des moves. Moi, j'ai de la misère à croire ça, parce que, écoute, quand tu vois que Boston, ce qu'ils ont eu pour Rick Nash, ils ont donné pour Rick Nash, c'était entre Pacioretty et Rick Nash, parce que je vais poser la question s'ils répondent. Ouais, mais Danny, tu sais pas. Tu sais, il y en a qui l'aiment pas, Pacioretty. Pacioretty, il a jamais fait grand chose dans les séries. Il a pas été dans des championnats du monde. Tu sais, Nash, là, il a quand même... Il y a quand même une belle feuille de route, là, même si il n'a pas joué son meilleur hockey dernièrement, mais en plus de la Ligue nationale, il est allé au championnat du monde, il est allé dans différentes compétitions, il a quand même été dans l'élite de la Ligue nationale pendant un certain moment. Alors, eux autres, ils disent peut-être on a besoin de ce bagage d'expérience-là comme joueur pour venir peaufiner notre équipe. Alors, tu sais, la feuille de route à Pacioretty, oui, c'est un gars qui va compter 30-40 buts, mais tu sais, c'est le reste de sa game, est-ce qu'elle est utile à une équipe? Est-ce que son bagage d'expérience en série, c'est tentant pour une équipe? Ben peut-être que non. Oui, c'est sûr. Marc, de toute évidence, si on se fie aux gens de TVA Sport, Marc Bergevin aurait eu un vote de confiance de Jeff Molson. J'en parlais avec Joe Hardy la semaine passée. Moi, Marc Bergevin, quelque part, je suis pas convaincu, mais que c'est un incompétent comme bien du monde le pense. Tu le connais encore bien plus que moi, c'est un ami personnel. Le seul bémol que je mets dans le cas de Marc, s'il revient, il faut qu'il fasse des changements dans son entourage. Oui, si on a critiqué quelque chose. Mais Danny, moi, j'aime ça, ça me fait rire, parce que le hockey, c'est ça. Le hockey, tu sais quoi, Danny? Le hockey, c'est que t'es un héros un jour, puis t'es un zéro le lendemain. C'est comme ça. Alors, présentement, Marc Bergevin est un zéro aux yeux des gens, mais s'il est patient, on s'attendait à ce que dans le scouting, les recruteurs dans son département recrutement qui fassent des changements, on s'attendait que dans son... département à Laval, développement, recrutement. Oui, là, développement, recrutement. Alors, c'est sûr et certain qu'on aurait aimé que Marc fasse ces changements-là, mais tu sais, il sait ce qui s'en va quelque part. Mais ça veut pas dire que parce que t'es que tu es un bon directeur gérant, que tu vas toujours faire des bons coups. Là. Le meilleur directeur gérant, là, c'est pas celui qui fait toujours des bons coups, c'est celui qui fait le moins de mauvais coups possible. Mais tout le monde en font des mauvais coups. Puis à un moment donné, dans le hockey, là, c'est un ascenseur. C'est que tu as besoin de faire une transaction, tu as besoin d'un joueur, tu vas le payer plus cher. Mais à un autre moment donné, c'est toi qui va avoir des joueurs à vendre, puis tu vas t'en refaire à ce moment-là. Alors, tu sais, c'est une roue qui tourne. Et puis, moi, je ne crois pas que Marc Bergevin est un incompétent, loin de là. Sauf que c'est sûr et certain qu'on est déçu de certaines décisions qu'il a prises. On aurait aimé qu'il fasse différemment. Mais ça veut pas dire qu'il se rachètera pas justement là, puis qu'il fera pas de bonnes transactions à venir ou un bon repêcheur qui va permettre aux Canadiens d'avoir une meilleure équipe dans le futur. Hey Marc, fais signer John Tavares à Montréal, tu vas voir que l'opinion va changer. Et ça, l'opinion va changer. Les gens là, qui le critiquent, les mêmes personnes vont critiquer, vont l'encenser. Ben exactement. Mais tu sais, il faut que tu penses qu'il y a probablement 29 autres équipes qui vont vouloir signer Tavares. Là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est le Canadien de Montréal que tout le monde arrive en courant à Montréal. Là. C'est une réalité qui est différente parce que maintenant, tu as des marchés extraordinaires un peu partout dans la Ligue nationale. Et puis, c'est sûr et certain que le Canadien n'est plus seul comme dans les années 70 où ce que jouer à Montréal, c'était le rêve de tout joueur de hockey. C'est plus cette réalité-là, malheureusement. Mais, alors, c'est clair que c'est plus la même du tout. En terminant, à la lumière de tout ce que tu as vu avec les transactions, le 26 février à 15h43, moi, ce qu'on a acheté le podcast, quelle équipe tu penses qui pourrait aller loin à la Coupe Stanley? Moi, je pense que les Pingouins de Pittsburgh, ils sont encore une fois, les Pingouins savent comment gagner. Il ne faut pas les compter battus, hein? Oui, mais sais-tu qui va être dangereux, Danny? Nashville, de côté? Les Jets de Winnipeg. Ah oui, OK. Oui. Les Jets de Winnipeg ont de gros et bons défenseurs. Mm. Ils ont d'excellents joueurs d'avant. Puis là, ils viennent de rajouter un Paul Stastny. Moi, j'ai toujours été un fan de Paul Stastny. En 2009, j'étais des recruteur pour l'Avalanche du Colorado. Il était avec l'Avalanche. Je trouvais que ce gars-là, il jouait une game effacé, efficace. C'est un gars qui faisait tous les petits détails comme il faut sur la glace. C'était un gars qui pouvait jouer dans des situations offensives, défensives. C'était à l'image un peu de son père. Peut-être son père a eu des meilleures stats offensives, mais Peter Stastny n'était pas seulement un joueur offensif. C'était un joueur défensif également qui pouvait tuer des punitions, jouer des fins de match et ça. Paul Stastny est dans ce moule-là. Puis de rajouter Stastny avec les Jets, moi, je trouve qu'ils s'en viennent. Ils ont leur top 6 et même top 9 est un des meilleurs de la Ligue nationale présentement. Là. Alors, ça va être une équipe à surveiller. Là, c'est Connor et DeBrock, le gardien de but, qu'il va falloir voir. Il connaît une très, très bonne saison. Est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise en série? Tu sais, c'est toujours ça. Là. Il est très, très bon, par contre. Là, Mais à Pittsburgh, on avait le même point d'interrogation, Danny, quand l'autre, j'ai oublié son nom, là, mais... Matt Murray. Matt Murray, c'est ça, quand il était dans les séries, c'était le point d'interrogation, est-ce qu'il est capable d'être à la hauteur, puis il l'a été. Tu sais, à un moment donné, un gars, s'il veut devenir un joueur établi dans la Ligue nationale, s'il veut faire une belle carrière, ben ça passe par être un gardien solide lorsqu'on s'en attend pas, un gardien cendrillon un peu dans les séries, puis à partir de là, tu te fais un bon nom, puis c'est parti. Alors, c'est possible, mais je trouve que c'est une équipe intéressante. Là, dans l'Ouest, là, je te dirais que Nashville et Winnipeg, ça va être deux équipes à surveiller, il n'y a pas de doute. OK. Marc, on se reparle. Bonne fête en passant. 52 ans, Marc, et on vieillit en tabarouette. Hein. Je me rappelle le Marc Fortier qui avait 20 ans, qui ne tient que les Nordiques de Québec. C'est pas si longtemps que ça. Ouais, j'aurais le goût de dire que c'était hier, là, mais c'est ça, 32 ans, malheureusement. Mais écoute, on est chanceux, on est en santé, on fait un métier qu'on aime, puis la vie nous gâte, alors on profite de tous ces moments-là. OK, Marc, on s'en parle d'une couple de semaines. Parfait, mon collaborateur hockey, Marc Fortier.